yeux et dans ses rêves elle part. Jolie petite histoire, elle part. Jolie petite histoire, des mamans, le prince charmant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son cheval blanc loin d'elle emmener ses enfants. Elle commence à boire, à traîner dans les bars, en mitou dans son cafard. Maintenant elle fait le trottoir, elle part. Jolie petite histoire, elle part. Jolie petite histoire, as-tu fait vraiment de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir pieux. Thank you. sorry. Test.